Section 53 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 53. Croquis de novembre par Gustave Geffroy. Chapitre 2. Réformes somptuaires. Les journaux qui insèrent un courrier de la mode annoncent que cet hiver, une révolution va s'accomplir dans la toilette des femmes. La révolution de la simplicité contre le luxe, contre l'éclat, contre la cherté des étoffes. Une mise modeste sera de rigueur et l'on aura le droit de montrer une robe plus d'une fois. Dans le monde, 100 ans, car il est difficile, au-dessous d'un certain taux de fortune, d'obéir exactement aux décrets de quelques couturiers et de quelques modistes. La nouvelle intéresse pourtant les différentes classes de la société, car depuis le faubourg jusqu'au faubourg, on peut constater, à certaines époques de l'année, comme une entente tacite entre toutes les femmes pour adopter des principes et des fantaisies de tenues vaguement identiques. Il y a des choses qui sont, et d'autres qui ne sont pas, à la mode. La mode fait entendre à toutes ses adeptes, à la même minute, les mêmes mystérieuses injonctions, et elle montre qu'elles ont compris, les unes en exhibant des costumes de 3 000 francs, les autres en arborant des rubans de 2 sous. Donc, à partir de demain, la femme de Paris romprait avec les bruyantes mises en scène de sa personne. Elle ferait la guerre à la somptuosité, sans qu'une loi somptuaire ait été promulguée par la Chambre et le Sénat. Les réflexions seraient enfin écloses dans les cervelles égoïstes. Les yeux se seraient ouverts sur la convention des prix, sur les rapides fortunes des tailleurs, sur les faillites des maris. Celles-mêmes qui n'hésitaient pas à recourir aux moyens illicites, antimatrimoniaux, pour combler les déficits et solder les notes exagérées. Celle-là aussi consentirait à dépouiller lativement dispendieux, exigerait de la solidité, du bon teint et du bon marché. Ces nouvelles sont bien invraisemblables. Les plus occupées des femmes ont par instant la velléité d'un coquet harnachement. Il est donc difficile d'admettre que les désœuvrées vont renoncer aussi bénévolement à ce qui est, à elles, leur unique occupation et préoccupation. L'inaptitude à peu près générale des aimables personnes à devenir des créatrices en littérature et en art ne tient-elle pas à ce fait que chaque femme est une artiste, uniquement occupée à façonner et à parer un objet d'art qui est elle-même? Au fond, la toilette pour une femme, dit le romancier de Chéri, c'est le moyen de témoigner de l'artiste qui habite en elle, le moyen révélateur par excellence et bien supérieur au produit médiocre d'un pauvre talent d'agrément, au gribouage d'une méchante aquarelle. C'est le moyen d'exposer sa grâce, sa gentillesse, sa beauté parmi l'arrangement, le coloris, l'harmonie d'un heureux tableau. C'est le moyen de faire de sa personne, dans les sociétés civilisées, à travers les incessants changements de mode et d'ajustement, un charmant et frêle objet d'art, toujours renouvelé, toujours nouveau. Tant que cet instinct sera chez la femme de s'ériger en statue et de se composer en tableau, tant qu'elle voudra agrémenter sa personne de combinaisons de lignes et de couleurs, il n'y aura pas grand-chose de changé aux pratiques existantes. La simplicité de demain sera aussi compliquée et coûteuse que le luxe d'hier. Pour confectionner la toilette sobre, il y aura, comme pour la toilette éblouissante, des couturiers plus malins que les autres, qui passeront pour avoir un goût particulier, un tour de main spécial, et qui profiteront de la vogue pour imposer des prix supérieurs. Celles qui se fourniront ailleurs que chez ces fournisseurs adoptés ne feront pas partie de la bonne catégorie et leurs ajustements seront décriés. Non, décidément, l'heure des économies n'est pas encore sonné. On ne sait d'ailleurs pas quel est le bien informé qui a mis en circulation cette nouvelle d'une austérité inattendue. Il faut se méfier des courriéristes de la mode. Ils chiffonnent les étoffes, ils font tourner un chapeau sur leurs poings. Ils dissertent d'un ton léger sur le velours, la soie et la dentelle. Ils prodiguent les souvenirs historiques. Ils chaussent et coiffent les femmes en un clin d'œil et pirouettent sur leurs talons rouges. Les lectrices de ces gracieux bavardages raffolent de ces proses renseignées, musquées et chatouillantes. Elles s'exclament sur tant d'inventions et de discernements. Si elles savaient. Si elles savaient que le plus souvent il y a derrière ces alinéas parfumés un pauvre diable récolteur de réclames qui gagne sa vie comme il peut avec ses histoires. L'élégant professeur mondain n'entend pas un mot au sujet qu'il traite. Il ne distingue pas entre le satin et l'armoire, entre le point de Chantilly et le point de Valenciennes. C'est parfois un gros homme aux cheveux, sur le collet, à la barbe jaune, qui écrit son article à la crèmerie en prenant 15 de noir, en fumant d'énormes pipes, et qui signe gentiment ses élucubrations d'un pseudonyme distingué tel que Marquise d'Amaïgui, Violette de Parme ou Rose du Bengale. Fin de la section 53, lue par Margot.